un soleil pâlissant jette encore sa lumière sur un oiseau errant qui fuit devant l'hiver. Au retour de l'automne, feras-tu comme l'oiseau qui s'envole et s'étonne de me voir de si haut? Restera-t-il encore un peu de notre amour? Au premier vent du nord, au premier mauvais jour, restera-t-il demain un peu de ton sourire? L'oiseau s'en va si loin, saura-t-il revenir? Restera-t-il enfin quelque chose de nous? Lorsque les feuilles d'automne recouvriront l'été, rassemblant tous les hommes autour des cheminées, couché sous une pierre, bien à l'abri du vent, un oiseau solitaire dormira pour longtemps. Restera-t-il encore un peu de notre amour? Au premier vent du nord, au premier mauvais jour, restera-t-il demain un peu de ton sourire? L'oiseau s'en va si loin, saura-t-il revenir? Restera-t-il enfin quelque chose de nous? Restera-t-il un jour quelque chose?